Voilà, donc il y a deux choses. Il y a mes transparents vers lesquels je vais me tourner après avoir raconté un peu une petite introduction. Alors si vous les souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail. Hein. Donc mon adresse est sur le site internet de l'ULB. Je peux vous envoyer ça. C'est une conférence que j'avais donnée dans une école secondaire. Normalement, ça devrait être assez ouvert, en réto. Hein. Voilà. Donc moi j'avais parlé de Marx, alors il faut savoir d'abord que moi je suis économiste, donc j'ai un point de vue probablement particulier hein, sur le thème sur les thématiques que je vais sélectionner. Vous allez voir, Marx n'est pas vraiment un anarchiste, sauf peut-être asymptotiquement dans une société vraiment très lointaine. Bon, j'ai pas le temps obligé d'être extrêmement limité. Hein. J'ai 30-45 minutes pour parler, je dois faire la biographie de Marx, je vais devoir sabrer, ça c'est clair et net. Donc je vous le dis tout de suite. Au moins, Marx est un homme du 19e siècle, ça vous le savez, hein. Millénaire après, c'est un Allemand, 1818-1883 plus ou moins, c'est un peu ces années-là. Il y a une œuvre centrale que vous connaissez sans doute tous, c'est le Capital, Das Kapital, avec un grand K. C'est un peu une des rares choses que les économistes ont gardé aujourd'hui de Marx, puisque dans les fonctions de production, c'est Y égale fonction de L, Labor et K avec un grand K. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Marx hein, parce que c'est quand même un personnage très multiforme. Originellement, il a fait des études de droit et de philo. Il se présente d'abord comme un philosophe. D'ailleurs, alors, sa première condamnation du capitalisme sera de nature, on va dire, philosophique. Même s'il va garder une certaine vision de cette nature philosophique, il va peu à peu se transformer en économiste aussi. Et donc, c'est ça aussi que c'est un auteur assez complexe. D'ailleurs, on l'enseigne très peu à l'université. Moi, je donne encore 2 fois 2 ou 3 fois 2 heures de cours, un peu plus depuis que c'est la crise, ça intéresse plus les étudiants. Mais je pense qu'en philo, on n'enseigne plus. Il y a des collègues qui me disent en philo, non, on n'enseigne plus Marx. Il n'est pas évident, hein, parce que est-ce qu'il est un sociologue, est-ce que c'est un philosophe, est-ce que c'est un économiste? C'est un peu tout ça à la fois. Et en plus, il s'inscrit aussi dans une tradition, vous allez voir, un petit peu évolutionniste aussi. Donc, et un évolutionniste, c'est pas nécessairement quelqu'un de révolutionnaire. D'ailleurs, vous allez voir, Marx est à la fois révolutionnaire et, je ne vais pas dire conservateur, mais il va dire on fera la révolution, mais quand c'est temps, quand il a le temps de le faire. On peut la préparer, mais il ne faut pas brûler les étapes nécessairement. Donc on va voir ça aussi. On m'a demandé de parler donc, de sa vision de l'histoire aussi. Moi, j'ai retenu 3 grands thèmes pour ce soir. J'ai discuté de Marx. Donc il y a l'analyse économique du capitalisme. Ça, on va trouver des éléments là-dedans, ici. Mais je vais déjà synthétiser un petit peu parce qu'il est possible qu'après on me dise je n'ai plus le temps de parler. Vous connaissez comment ça va avec les conférences. On va parler de sa vision de l'histoire, donc de l'évolution globale de l'humanité, parce que Marx a prétendu donc venir avec une science de l'histoire. Donc la compréhension de l'évolution des sociétés passées va permettre de donner une grille de lecture qui va nous permettre de comprendre ou d'anticiper le futur. Ça, c'est vrai aussi chez beaucoup d'économistes. Hein. Tout économiste sommeille toujours un futurologue quelque part. Marx, il y aura un peu de ça aussi. Et puis je dirais quand même un mot, puisque c'est quand même quelque chose qu'on veut être concret. J'ai vu ça sur le titre des affiches, je ne sais pas comment vous appelez ça, vers des alternatives, quelque chose comme ça. Les alternatives au capitalisme. Je vais vous dire un petit mot, de ce que Marx pensait quant à la société future, hein, la société socialiste ou communiste. Il faut bien savoir que pour Marx, ce n'est pas la priorité de ses intérêts. Hein. Il va dire, oui, tous ces socialistes utopistes qui réfléchissent à longueur de journée sur comment organiser la société de demain, les hommes demain organiseront ça très bien. Il va donner quelques guidelines, hein, malgré tout, quelques guidelines, notamment dans le critique du programme de Gotha en 1875. Et puis on verra, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps malgré tout, les économies socialistes réellement existantes, les économies planifiées, avec leurs avantages théoriques et leurs inconvénients. Mais ça s'est fait après que Marx soit mort. Hein. Marx meurt en 1883, il faudra attendre 1917. Alors, l'analyse du capitalisme. Ça s'inscrit dans la vision plus globale de l'histoire que je vais exposer en plus en détail juste maintenant. Mais pour dire les choses concrètement, Marx a une vision ambiguë du capitalisme. C'est-à-dire, il va dire, à un moment donné de l'histoire, quand il remplace le féodalisme, le capitalisme est positif. C'est-à-dire que Marx est aussi, c'est un homme du 19e siècle, hein, comme j'ai dit à l'un d'entre vous qui est venu me trouver là juste avant la conférence, il est technophile, il est productiviste aussi dans un certain sens. Et donc ce qu'il aime bien dans le capitalisme à l'origine, c'est sa capacité à développer très fortement les forces productives. Il va donc essayer de montrer pourquoi il se met en place à un certain moment donné du temps, il remplace un mode de production qui existait auparavant, le féodalisme qui a fait son temps, hein, c'est dans ça que je dis qu'il est évolutionniste, hein, il y a donc des modes de production qui permettent de développer ces forces productives, cette croissance, jusqu'à un moment donné où ces mêmes modes de production deviennent plutôt des freins. Et il faut en changer de mode de production. On va voir ça, c'est la théorie des révolutions. Et là, le capitalisme, au départ, il est basé sur ces grandes mythologies, hein, la libre concurrence, le marché. Il y a une analyse d'ailleurs que Marx dit des économistes bourgeois, l'économie classique, et puis lui, il veut faire une analyse un peu plus approfondie. Le capital, c'est essentiellement une analyse économique du capitalisme industriel à son apogée. On est en Angleterre au milieu du 19e siècle. C'est aussi corollaire d'une période caractérisée par le sommet des inégalités sociales aussi. Ça, vous connaissez, vous avez sans doute tous vu le film de Stan Koenig, si je commence, qui s'appelle Dance. On voit ça en Belgique, hein, à Loos, dans les ouvriers du textile. Ce que Marx va essayer de démontrer, en fait, c'est que ce capitalisme, avec cette dynamique de concurrence entre unités de production, entre capitalistes, qui, dès qu'ils font du profit, alors là, il y a tout un débat chez Marx pour savoir quelle est l'origine de ce profit, il va le voir dans l'exploitation du travail, ça, j'en parlerai un petit peu ici. Hein. Pour dire les choses très rapidement, si jamais on n'avait pas le temps de clôturer, c'est que dans la négociation entre les patrons, les capitalistes et les travailleurs, le bargaining power, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le pouvoir de négociation, il est du côté des patrons. Et donc le contrat va se négocier, on va payer le travailleur un certain nombre d'heures de travail, juste nécessaire pour qu'il permette de vivre, de faire vivre sa famille, reproduire ses enfants, mais le capitaliste va travailler beaucoup plus d'heures. Et ce travail non payé, c'est ça, c'est une expression monétaire, c'est le profit. Donc c'est par l'exploitation du travail que se crée le profit. Et alors les capitalistes sont même en concurrence permanente et donc ce surprofit doivent le réinvestir. Donc Marx fait des modèles théoriques, est-ce qu'il y aura stagnation ou croissance? Il va dire, si les capitalistes se reposent sur leur laurier et consomment toute leur plus-value, il y a de grosses chances qu'un concurrent, lui, va réinvestir, il va innover, et il va pouvoir produire moins cher avec des nouvelles technologies, des meilleurs produits et il va être liquidé du système. Il y a une espèce d'éclusage dans le modèle de Marx, et c'est assez important à voir aussi, ça, c'est que le capitalisme, au départ, c'est la libre concurrence. Avec l'évolution du temps, vous allez voir, cette concurrence va s'autodétruire. On va évoluer plutôt vers des structures d'oligopole, voire de monopole. Et en fait, Marx dit, la socialisation de la production, elle se fait déjà, techniquement parlant. Il y a ces petits exemples que vous connaissez peut-être aussi, où il parle, par exemple, de la distribution d'eau. Il disait, la concurrence, c'est pour un monde low-tech, c'est pour un monde à basse technologie. Par exemple, à Mexico, dans les bidonvilles, les petits garçons qui viennent avec des seaux d'eau pour les vendre aux maisons parce qu'il n'y a pas de distribution d'eau collective. La modernité, c'est Haussmann, c'est-à-dire distribution d'eau dans tout Paris, gérée centralement par la commune. Et ça, c'est aussi une idée que Marx donne, mais que vous retrouverez aussi chez Schumpeter, hein, l'idée que la centralisation, la planification, c'est ça la modernité. Le libéralisme, la libre concurrence, c'est bon pour un niveau de technologie relativement bas. Et donc, vous voyez un peu l'idée de Marx, hein, donc, c'est qu'il va analyser le capitalisme, son évolution, et il va montrer qu'après un certain temps, ben, il n'y a plus vraiment les concurrences, il n'y a plus vraiment le marché. Il y a des grands oligopoles, voire des monopoles, il n'y a plus vraiment besoin d'un entrepreneur, en fait, c'est plutôt des administrateurs. Et le problème va être plutôt un problème de nature plutôt sociale, c'est que il y a de plus en plus de prolétaires, de moins en moins de capitalistes qui s'accaparent en fait tous les surprofits. Et on est dans une société donc là où à la fois technologiquement on est capable de produire des masses de biens et en même temps la plupart des gens vivent dans une misère extrême. Et là il dit qu'il y a un problème qui pourrait être solutionné, on viendra en plus dans les détails là-dessus plus tard, en passant à un autre type de société, en établissant ce qu'il appellera la dictature du prolétariat, et en faisant en sorte que ce surprofit qui allait dans quelques mains soit redistribué dans l'ensemble de la société. Marx n'aime pas trop l'État. Hein. Vous ne verrez pas beaucoup parler de l'État. Il va parler des producteurs associés. Peut-être que madame qui va parler des anarchistes après nous dira un peu plus sur ce genre de choses-là. Je dis tout de suite que Marx ne sera pas un anarchiste. Hein. Marx dira qu'il y a encore toute une période de transition après l'établissement de la société socialiste qui va durer... le temps nécessaire à la mise en au plein développement des forces productives. Donc Marx dira que avec le nouveau système socialiste, on va pouvoir faire plus de croissance et c'est seulement dans un futur très relativement lointain qu'on aura tellement de production matérielle qu'on pourra échapper au règne de la nécessité, c'est-à-dire à la contrainte de l'économique, parce que pourquoi est-ce qu'il y a de la science économique? C'est parce qu'il y a de la rareté. Vous pouvez vous débarrasser de la contrainte de l'économie à partir du moment où il y a surabondance. Et à ce moment-là, il y a aussi une transformation des gens, parce que c'est important aussi, il y aura une grande transformation des individus, des gens, pour qui le travail sera leur premier besoin. Et donc, nous allons nous retrouver dans une société communiste où là, ce sera à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, et on échappera complètement à l'ordre bourgeois, quelque part. Et on verra vraiment une société qui sera une société vraiment humaniste, quelque part. Mais ce sera dans longtemps, donc en attendant, pas trop. Alors, la science de l'histoire, il faut bien voir, ça c'est intéressant aussi chez Marx et les économistes contemporains. Ils ont eu tendance à liquider complètement la dimension historique. Moi, je suis économiste, je vois bien ce que c'est. Les cours d'histoire économique, l'évolution historique passée, c'est quelque chose qui est totalement gommé, hein, puisque la tendance de l'économie politique, que ce soit l'économie politique classique du 19e siècle ou l'économie néoclassique aujourd'hui, c'est le mythe de la physique, mais d'un système en permanence en équilibre. C'est sous-entendu le capitalisme avec ses lois de long terme, voilà, qui sont des lois d'équilibre. Ce que Marx va nous dire, c'est pas, le capitalisme n'existe pas de toute éternité. Si je regarde l'histoire sur le très long terme, peut-être que dans le très lointain passé, il y avait une sorte de communisme primitif, mais la plupart des sociétés, la société antique, avec ses maîtres et ses esclaves, la société féodale, avec ses seigneurs et ses serfs, la société capitaliste, avec ses capitalistes et ses ouvriers, ce sont des sociétés caractérisées par l'inégalité, l'exploitation, hein, où il y a une classe sociale qui s'accapare le travail produit par une autre. Et il y a des changements aussi, hein. Il y a ce qu'il appelle des modes de production. Alors, il fait une abstraction de tout ça, il établit une série de concepts que vous avez sans doute vu à l'école secondaire, hein, parce que moi j'ai vu ça à l'école secondaire, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, les notions d'infrastructure, de superstructure. Je me demande d'ailleurs si la notion d'infrastructure, c'est pas Marx qui l'a sorti, hein. Il ne parle que de superstructure, je pense, d'Uberberg. De mode de production, et alors dans l'infrastructure, il y a les forces productives et les rapports de production. Vous avez besoin que je rappelle un petit peu tout ça? Oui, je vois ça à vos visages, donc je vais le faire. Petite parenthèse, vous voyez aussi, donc, il y a des stades, hein, dans l'histoire, chez Marx. Hein. Il y a des stades dans l'histoire économique. Hein. Je vous ai parlé de l'économie antique, l'économie médiévale, et ça, il y a une évolution dans l'histoire. Donc là, il faut bien voir, Marx a été l'élève de Savigny aussi. Il a fait des études de droit à Bonn et à Berlin, et à cette époque-là règne en droit aussi l'école historique allemande, qui va avoir une influence assez forte aussi dans le domaine de l'économie. Et donc ça, Marx reprend ça, c'est cette vision-là. Donc l'idée aussi qu'on évolue par stade, et il va essayer donc d'expliquer comment on passe d'un stade à l'autre. Alors, pour Marx, le moteur de l'histoire se trouve dans l'économique. Je vais tourner ma page ici, voilà. Donc, quelque part, il y a les structures socio-économiques, c'est-à-dire l'infrastructure socio-économique, qui détermine en dernière instance les superstructures, c'est toutes les formes religieuses, politiques, artistiques, etc., qui existent à un moment donné. Donc, ce n'est pas une vision nécessairement toujours directement mécanique, mais donc vous avez donc quelque chose, l'infrastructure, hein, l'économie, en dessous, hop, ça va déterminer quelque part en partie la superstructure. Et on va voir dans l'infrastructure elle-même, elle a une dynamique, parce qu'elle est composée même de deux branches qu'on appelle les rapports de production. Je pense qu'en allemand, on parle de Produktionsverhältnis. Et puis, on parle de l'autre côté des forces productives. Et ce sont tous des termes que Marx n'a pas inventés. Il reprend ça. Hein. C'est un économiste classique. Il y a des éléments qui reprend de Friedrich List aussi en 1841. Je veux dire, c'est un auteur de son temps qui lit les philosophes, les philosophes politiques, les économistes. Voilà. Et il est influencé par tout ça. Mais ça, je n'ai pas le temps de faire de la généalogie intellectuelle ici. Je peux vous citer Engels quand même, ça c'est une citation d'après sa mort, parce que c'est une phrase très célèbre, et voilà, au moins le dire une fois, hein. Voilà ce qu'il dit. « Ne disons pas que l'instance économique est l'unique cause active et toutes les autres de simples effets passifs, mais qu'il s'agit d'une interaction dialectique sur la base fondamentale de la nécessité économique qui s'impose constamment. » Il ne s'agit pas, comme on se l'imagine trop souvent, par commodité d'un effet immédiat de la situation économique, mais du fait que les individus qui font l'histoire sont pris dans un milieu donné qui détermine leurs actions, soit sur la base de conditions réelles et préétablies parmi lesquelles se trouvent les conditions économiques décisives en dernière instance et qui sont le seul fil conducteur d'une compréhension du fait historique. Alors voilà, je reviens à mon idée. Hein, donc il y a la superstructure, il y a l'infrastructure. Vous avez d'un côté les forces productives et de l'autre côté les rapports de production. Alors les forces productives, c'est les aspects vraiment technologiquement économique, c'est les trucs les plus standards, la main d'œuvre, les moyens de production, hein, c'est une sorte de fourre-tout avec ces choses que les économistes considèrent comme les fonctions de production. On pourrait voir ça aussi un peu comme la technologie ou l'output. ça a tendance à évoluer continuellement au cours de l'histoire. Hein. Donc, quelque part, on pourrait voir chez Marx le primat de cette dimension-là, quand même, quelque part. Hein. Il y a l'évolution économique, technologique, hein, qui évolue comme un serpent, qui peut être brimé à certains moments, mais c'est quand même là que se trouve la force, quelque part, à long terme. À court terme, ce qui est intéressant aussi chez Marx, c'est le rôle qu'il va donner à ce que des économistes contemporains, même de droite comme Glasnost, appellent le rôle des institutions et des organisations. Ils peuvent à certains moments jouer un rôle bloquant, inhibant la croissance économique. Parce qu'à côté des forces productives, hein, des aspects bêtement technologiquement économiques, il y a des aspects aussi sociaux qui se nouent dans la production, ce qu'on appelle les rapports de production. Et alors, ce que Marx a tendance à dire, je ne sais pas, ça peut être l'organisation du monde féodal au plan économique, ça peut être la manufacture et son organisation avec les capitalistes, etc. Il y a toute une série de choses. C'est des aspects organisationnels, institutionnels, mais qui sont liés très fortement à l'économie. Et il va dire, en fait, quand ils se mettent en place à un moment donné du temps, c'est parce qu'ils sont quelque part fonctionnels. Il y a ici une vision assez fonctionnelle. C'est les meilleures institutions pour pousser les forces productives vers leur plein épanouissement. Le problème, c'est que dès que vous mettez en place des institutions, il y a toujours des gens qui sont du bon côté du manche et d'autres qui ne le sont pas. Et quand vous êtes du bon côté de la barrière, vous n'avez pas trop envie de voir le système changer, surtout si lorsqu'il change, vous ne vous retrouverez plus du bon côté. Donc en fait, il va y avoir des résistances au changement. Et Marx va essayer d'expliquer donc le cheminement historique par cette contradiction, quelque part, entre d'un côté une évolution, on va dire continue, pour parler comme les mathématiciens, des forces productives, et d'autre côté une évolution plutôt par palier des rapports de production. Donc ils sont fixés à un moment donné, et ils vont rester en place tant que faire se peut. Mais il va arriver à un moment donné, Marx nous dit, où ces rapports de production, qui étaient peut-être adaptés à un état donné de développement des forces productives, ne le seront plus. Les forces productives vont changer, il y a de nouvelles technologies, ce sont de nouvelles classes sociales éventuellement qui sont motrices du système, il faudrait pour les favoriser d'autres arrangements institutionnels. Et alors il dit, il y a des résistances, et il y a des moments dans l'histoire où ces résistances sautent, et où il y a des brusques réajustements de ces rapports de production, de façon à en établir de nouveaux, qui seront plus en accord avec l'état présent, en tout cas à l'époque où on parle, des rapports de production. Et ces périodes particulières de l'histoire, c'est ce qu'il appelle les révolutions sociales. Hein, donc, et là, il va essayer d'analyser, mais là, je ne vois pas après. Peut-être que quelqu'un qui gère le truc pourrait me dire quand je serai plus ou moins à mi-temps et quand il me restera 5 minutes, ça pourrait m'aider. Donc, où en étais-je? Oui, des périodes de révolution sociale. Alors, Marx va expliquer, par exemple, les périodes révolutionnaires en Angleterre au XVIIe siècle. Hein, vous avez vu, il y a eu deux révolutions, 1640, le roi Charles Ier décapité, Cromwell, blabla, et puis la glorieuse révolution, la 1688 et d'elle. Avec tous les trucs là, et puis alors vous avez la Révolution française. Et la Révolution française, Marx va s'y intéresser aussi. Il va montrer en fait derrière le bruit et la fureur, hein, comme dirait Shakespeare, des événements historiques. Derrière, les événements se passent pas nécessairement par hasard non plus. La Révolution française permet aussi la mise en place des nouveaux rapports de production qui vont permettre le plein épanouissement des forces productives. À un moment où c'est plutôt le capitalisme, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie marchande et industrielle qu'il faut favoriser, et plus comme dans la France d'Ancien Régime jusqu'en 1789, les forces du passé qui étaient l'aristocratie, la haute aristocratie, le clergé, etc. Surtout que, comme vous le saviez, ça avait aussi des implications économiques, puisque les classes privilégiées, celles que je viens de citer, étaient dispensées de l'impôt, et que ceux qui payaient l'impôt étaient toutes les classes productives. Et donc la France, d'ailleurs, pendant le XVIIIe siècle, c'est un pays qui connaît de grands problèmes économiques, et c'est d'ailleurs, petite parenthèse, en France, connaît la pensée économique la plus riche. C'est d'ailleurs de là qu'Adam Smith va tirer pas mal de ses intuitions et de ses idées, en recopiant en partie, enfin pas en copiant, mais en s'inspirant quand même largement des penseurs comme ceux de la physiocratie et des gens comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les moteurs de l'histoire. Ça c'était le passé, et Marx se dit, mais si j'ai compris, on va dire la mécanique de l'histoire, au moins économique et sociale, je peux probablement inférer quelque chose sur le futur, parce qu'il n'y a pas de raison que l'histoire s'arrête. Et donc le capitalisme qui se met en place, hein, donc caractérisé par les forces productives de la grande industrie, le rapport de production du salariat qui lui-même implique des travailleurs libres, juridiquement libres, des travaux exécutés de façon décentralisée, etc. Mais je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, sinon je n'en finirai jamais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, le capitalisme est ce qui est, en 1789, le plus à même de provoquer cette croissance économique que la France va connaître dans les années 1820-1830, hein, parce que le décollage économique de la France est un peu plus en retard qu'en Grande-Bretagne. La Belgique est un petit peu plus à l'avance, elle est annexée à l'Empire français, mais vous avez Cockerill qui arrive ici début du 19e siècle. Et toute proportion gardée, hein, les taux de croissance au 19e siècle, c'est de l'ordre de 1% par an. Hein. On n'est pas dans les 10% des Chinois aujourd'hui, ni des 2% du long 20e siècle occidental. Hein. Donc voilà. Ce que Marx va dire, c'est que ben, dans toute une période, eh bien, le capitalisme il est très positif. Il doit remplir son rôle. On peut pas. Marx est évolutionniste. Hein, on ne peut pas sauter des étapes. Donc après, quand évidemment en 1917 et alors en 1949, en Chine populaire, on arrivera à avoir la mise en place de régimes véritablement communistes, il y aura des débats là-dessus. Mais on va dire essentiellement, Marx, comme évolutionniste, va penser que voilà, le capitalisme doit faire son œuvre. Il doit booster au grand maximum les forces productives. Il doit pousser à l'innovation technologique. Il doit permettre toute une série de choses. Il y a des phrases, je n'ai pas le temps de les reprendre, j'avais un petit livre où Marx est très très emphatique par rapport au rôle de la bourgeoisie, par rapport à toute la technologie qui va être développée au 19e siècle, et le côté aussi révolutionnaire du capitalisme. Hein, parce que c'est vrai que le capitalisme, dans la première moitié du 19e siècle, il va casser toute une série d'héritages de l'Ancien Régime. Hein, c'est une société de mobilité, les gens quittent les campagnes, vont vers les villes, les anciens rapports sociaux n'ont plus beaucoup de sens. Donc, il y a un côté révolutionnaire du capitalisme. Mais peu à peu, comme je vous ai dit, et là je reviens à ce que j'avais dit en des premières parties d'exposé, c'est que le capitalisme s'autodétruit. Donc, il développe peut-être bien la technologie, mais ce faisant, un haut niveau de technologie, un haut niveau de recherche et développement en économie, ça veut dire beaucoup de coûts fixes, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour 10 000 entreprises en concurrence sur un marché. Il y aura peut-être de la place pour 2 ou 3 entreprises, et peut-être de moins en moins. Alors après, Marx nous fait tout un débat sur la baisse tendancielle du taux de profit, mais là, c'est peut-être un peu trop technique, mais c'est l'idée qu'avec la mécanisation, quelque part, il y a une tendance à ce que les profits sur le capital investi ont tendance à diminuer. Et donc ça provoquera aussi des crises. Ah, important dans l'intuition quand même, Marx est un des premiers aussi économistes, parce qu'auparavant, on avait des gens comme Smith ou surtout David Ricardo qui essaient d'expliquer la croissance. Marx met aussi l'accent sur l'importance des fluctuations cycliques. Donc il dit, le capitalisme est aussi une économie qui est agitée de crises périodiques. Donc il y a des périodes de boom et puis il y a des périodes de dépression. Il y avait déjà ça au 19e siècle, en 1845, il y a la Railways Mania. Donc là aussi, il y avait des gens qui avaient acheté des actions des entreprises de chemin de fer et on voulait construire un peu tout et n'importe quoi. Et il y a eu aussi après aussi un effondrement. Donc ça Marx était. Il n'a pas une vision très. Il a à la fois une vision positive du capitalisme en tant que. Via cette compétition. Il développe fortement les forces productives, mais il a aussi une vision, il voit ça comme un machin assez chaotique. Hein. Il n'est pas comme un économiste néoclassique. Moi, quand je fais des études d'économie, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est tout ce que Marx trouvait mal, on le trouve très bien. Donc, on trie, c'est la décentralisation, chaque acteur exprime ses besoins sur le marché, il y a des prix qui sont générés par vous tous, ici, collectivement, et alors il y a des acteurs qui ne cherchent que à faire du profit, et que, par exemple, si vous demandez des bikinis à pois roses, la demande augmente, le prix de ces bikinis va monter, et des gens vont se mettre sur le marché pour vous les offrir. Et donc, la vision un peu néoclassique, on va dire péâtre, c'est de dire, voilà, il y a souveraineté du consommateur, on vous offre en permanence tous les biens dont vous avez envie. À condition que votre demande soit solvable. Hein. Ça, c'est aussi une petite nuance à apporter. Pardon ? Ah, ok, on est à la moitié. Donc, voilà, mode de production. Oui, et alors, comme j'ai dit, ce mode de production capitaliste, peu à peu, il est de moins en moins concurrentiel, il est de plus en plus inégalitaire, il se caractérise aussi par des crises périodiques de plus en plus importantes, et donc, c'est un système à la fois instable, et les crises elles-mêmes renforcent cette concentration du capital. Et il va dire, on arrive à un moment donné où ce qui était à l'origine un booster de la croissance économique devient peu à peu un frein. Et il y a une série d'éléments qui font dire qu'il faut peut-être passer à autre chose. Alors évidemment, Marx va dire, il a une vision un peu duale. Là. Comme vous voyez, on pourrait dire une vision très déterministe, hein, puisqu'il y a les stades, hein, il y a l'économie antique, le médiéval, féodal, et puis alors il y a le capitalisme, et puis on va passer à autre chose. Mais le saut de l'un à l'autre, si, quand on regarde les choses du point de vue de Sirius, ça apparaît très mécanique, quand on vit les choses dans l'histoire, comme à une période donnée, ça ne se fait pas tout seul. Mais en même temps, il dit, voilà, avec la prolétarisation de plus en plus importante d'une masse de plus en plus grande de gens, avec aussi la mondialisation de l'économie, parce que ça, je n'ai pas dit, mais Marx est aussi un des premiers à avoir cette vision que le capitalisme va s'étendre d'abord dans tous les secteurs, y compris les secteurs non marchands, comme l'éducation, etc. On peut peut-être faire vivre ça aujourd'hui, mais ça, j'y reviendrai peut-être un autre moment. Et aussi dans l'espace. Donc, il y aura une globalisation du capitalisme. Mais qui atteint quand même ses limites. Parce que, voilà, déjà, vous avez intuitivement, vous pouvez voir une économie tellement inégalitaire avec tous ces surprofits concentrés sur une masse de plus en plus étroite de capitalistes face à une masse de gens prolétarisés. Donc, alors, Marx discute les crises de suraccumulation liées à ce taux de profit qui a tendance à baisser, ou des crises de sous-consommation parce que les salaires sont trop bas. Mais si vous augmentez alors ces salaires, vous réduisez la rentabilité des firmes, et là vous avez une autre type de crise. Donc on passe toujours de Charide en Scylla, hein, pour lui. Le capitalisme est basculé comme ça de façon chaotique, de crise en crise. Et alors bon, là il n'est pas très parce que la théorie des crises chez Marx n'est pas vraiment l'aspect le plus profondément développé. Il faut savoir qu'il n'y a que le premier volume du Capital qui a été édité de son vivant. Les deux autres, c'est après sa mort. Et normalement, le Capital, c'était un élément de toute une série de bouquins qui devaient traiter de l'économie. Hein. Donc, Marx est mort avant. Bon, il est mort à 65 ans. Il n'a pas eu une vie très facile. Donc, voilà. Mais donc, il y a des éléments qui ne sont pas toujours très nécessairement très développés. Mais donc, Marx dira, voilà, la classe ouvrière doit s'organiser. Hein. C'est ça aussi, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. C'est cette idée, donc, que la bourgeoisie capitaliste va se globaliser. Et donc, faire des luttes au niveau national n'aura pas beaucoup de sens. Il faut, à nouveau, que la classe ouvrière s'organise au niveau global, se conscientise, prenne conscience de ses lois de l'histoire. Et à un moment donné du temps, il faudra que le fruit soit mûr. Parce que Marx va dire, ça ne sert à rien de vouloir faire la révolution dans un pays, je ne sais pas, au Zaïre aujourd'hui, à la limite, ou au Congo. Je suis vieux, désolé, j'ai encore des vieux noms en tête. Il faut attendre que les économies aient atteint un niveau de développement relativement important. Marx aurait dit probablement, pour lui, le socialisme aurait dû d'abord s'établir peut-être en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, et pas dans la périphérie du capitalisme, comme la Russie et la Chine. Et donc voilà. Et alors, donc voilà, par action d'organisation de cette classe ouvrière, parce que ça, je n'ai pas non plus dit ici, mais j'ai mis l'accent sur le Marx économiste, social scientist, philosophe, mais aussi le Marx, évidemment, militant. Hein, ça, vous le savez, ça, donc je ne vais pas peut-être trop m'appesantir là-dessus. Et ça, donc, et un Marx mu quand même par un profond, on ne va pas dire un dégoût, mais quand même, par rapport au capitalisme, il trouve que c'est quand même pas quelque chose de très bien. Donc, hein, ça vous, peut-être madame qui est philosophe, on parlera de ça plus tard, mais vous connaissez l'aliénation du capitalisme, vous le vivez peut-être vous-même, hein, si vous travaillez aujourd'hui, vous savez ce que je veux dire par là aussi, hein, vous êtes rendu étranger à votre type de travail, à l'organisation de votre travail, le travail qui pourrait être la manifestation de ce que vous êtes, elle l'est de moins en moins, puisque, je ne sais pas, vous êtes peut-être poète et musicien, mais vous travaillez comme, je ne sais pas, analyste financier dans une banque. Donc, vous voyez, donc, parce que vous devez vivre. Donc, voilà. Et les rapports sont donc peut-être pas très transparents. Là. Donc, voilà, il y a toute une série de choses là-dedans. Et là, il y a aussi l'idée de l'aliénation. Ça, c'est un autre élément important aussi, à dire, peut-être pour aujourd'hui aussi. Marx, donc, s'était inspiré de Feuerbach, un hegelien de gauche. Il avait critiqué la religion. Dieu comme création de l'homme, comme une sorte Dieu vu, c'est pas Dieu qui aurait créé l'homme, mais c'est l'homme qui aurait créé Dieu, et Dieu serait l'homme au plan asymptotique, vous voyez, c'est l'homme avec toutes les qualités, l'homme connaît les choses imparfaitement, Dieu est parfait, l'homme est moyennement bon, mais Dieu est parfaitement bon, enfin des choses comme ça. Et alors, on peut penser, Marx et la religion, tout un débat, je dirais même, quand je vais à Louvain-la-Neuve, je peux leur dire aussi, vous savez, vous pouvez être catholique et marxiste, et il y avait Charles Monnetard qui était comme ça, parce qu'en fait, ce que Marx utilise, surtout dans l'idée d'aliénation, c'est surtout le dire, mais le marché, est-ce que ce ne serait pas aussi notre Dieu, quelque part? Parce que le marché, pour Marx, avec sa vision historique, ce n'est pas quelque chose de naturel qui tombe du ciel, c'est une création historique, à un moment donné du temps, et ça a été fait par les hommes, ça pourrait être des faits éventuellement, mais en fait, on a tendance à projeter sur ce marché l'idée que ce serait comme quelque chose des forces impersonnelles, comme la météorologie, les lois de la physique, qui s'imposeraient à nous, et que ce soit aujourd'hui, on ne pourrait jamais changer. Hein, c'est un peu comme il dit quand il fait sa critique de l'économie politique bourgeoise, c'est un peu ce qu'il leur reproche. Il dit oui, ces économistes ont fait un bon job parce qu'ils ont essayé de déterminer les lois du fonctionnement du capitalisme, mais là où ils se plantent, c'est d'avoir tendance à considérer que ces lois du capitalisme, c'est comme des lois de la physique, c'est-à-dire une valeur universelle, vraie en tout temps et en tout lieu. Marx dit non, non, ce sont des lois socialement déterminées, valables dans un mode de production donné, à une époque historique donnée. Et donc elles ne sont pas nécessairement vraies pour toujours. Et donc on peut en sortir aussi, c'est ça aussi qui donne un peu un. Il n'est pas comme Madame Thatcher qui va vous dire « there is no alternative ». Ça, vous saviez déjà. Je n'ai pas besoin de m'en voir ici pour ça. Alors, peut-être que je vais dire un mot sur la vision de Marx sur la société du futur, hein, puisque je vous ai dit, à un moment donné, le capitalisme doit s'étioler, les guidelines qu'il donne. Et puis, s'il me reste 2-3 minutes, ou 5 minutes, je dirai un mot des sociétés qui se sont revendiquées d'héritage de Marx, en Union soviétique ou en Chine, les grands principes. Alors, ce que Marx disait, donc, comme je vous ai dit, il ne s'est pas beaucoup occupé de la société du futur, hein, parce qu'il a dit qu'il avait peut-être d'autres choses plus importantes à faire, mais néanmoins, il a dit quand même des choses. Voilà, c'est ce que je dis ici, voilà. Marx est relativement peu loquace, donc on va regarder qu'est-ce que je dis là. Donc il y a quelques guidelines. Ah oui, en fait, dès le départ, Marx va dire, je vous ai dit, il regarde aussi le capitalisme comme un lieu d'aliénation, hein. Et le capitalisme, c'est d'abord la propriété privée des moyens de production. Donc ça, c'est peut-être important, ça je ne l'ai peut-être pas dit ou non plus. Il explique qu'on arrive au capitalisme après un long processus historique qu'il appelle l'accumulation primitive. Il faut bien voir que pour Marx, les possesseurs du capital, c'est-à-dire des moyens de production, on va dire les machines pour simplifier, et les travailleurs, ces deux, il n'y a pas de lien entre les deux. Hein. Vous n'êtes pas un dentiste propriétaire de vos outils de production, et en même temps, ça, ce n'est pas dans son monde. Il fait une épure, et il dit, vous êtes prolétaire, c'est-à-dire que pour vivre, vous n'avez que votre force de travail à vendre. Vous pouvez pas, vous dépendez donc du capitaliste. Vous devez vendre votre force de travail au capitalisme pour pouvoir recevoir un revenu pour vivre. Et donc, on est dans un univers comme ça. Et donc, il y a propriété privée des moyens de production, hein, donc ça aussi. Donc, pour lui, dans cet univers qui est à l'origine d'une aliénation, d'un côté, ça c'est le concept philosophique, et d'une exploitation au sein de l'économie, il dit, mais dès qu'on va arriver au socialisme, même si on n'est pas encore au communisme, hein, qui est la stade ultérieure, eh bien, il faut se débarrasser de ça. Il faut passer de la propriété privée des moyens de production à une propriété collective des moyens de production. Et donc mettre fin aussi à l'exploitation, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, tout le surprofit qui allait dans la poche de quelques actionnaires, eh bien, doit être redistribué entre les libres producteurs associés, ou les libres producteurs associés démocratiquement doivent décider collectivement de ce qu'ils vont en faire. Et normalement, c'est booster cette croissance économique pour aller vers l'étape supérieure du système. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait encore l'Union soviétique, et je me souviens avoir au Hazel, il y avait un stand de l'Union soviétique et j'ai reçu un petit livre, ils expliquaient bien que l'URSS à l'époque était encore dans le stade du socialisme en chemin vers le communisme. Et Brejnev disait, peu à peu nous allons vers le communisme, mais il n'était encore qu'au stade antérieur. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là aussi, vous allez voir, Marx, en fait, l'État, il voudrait s'en débarrasser, parce que ça c'est le lien avec l'idée qui va suivre, hein, sur l'anarchie quelque part. Marx n'est pas vraiment un anarchiste, hein, ça vous avez sans doute compris. L'État dans le capitalisme, il dit que c'est un outil aux mains de la classe sociale dominante pour asseoir leur domination sur les classes dominées et exploitées. Est-ce qu'on peut se passer tout de suite de l'État quand on va passer à la société socialiste? Mais Marx va avoir tendance à dire non, pas tout de suite. Mais on va transformer l'État. Il va être pris en main par le prolétariat. Dans l'idée de Marx, c'est tout le monde. Enfin, c'est la plupart des gens, c'est la majorité. C'est ceux qui travaillent, donc qui, voilà. Et c'est cet État socialiste qui va mener les transformations, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Mais ce n'est pas la dictature d'un seul dans son esprit, c'est la dictature de quand même la majorité des gens et pas celle de poignée d'actionnaires. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ça? Alors, la disparition de l'État, ça ne se fera que dans le stade ultérieur. Hein, donc, ça, on verra. Alors, il y a la disparition du marché. Ça aussi, Marx n'est pas pour le socialisme de marché. Moi, je me souviens, à mémoire de licence en 87, c'était à l'époque où on parlait de socialisme de marché. En Hongrie, les Chinois parlent de ça aujourd'hui. Hein. Si vous entendez les Chinois, ils vont vous dire, nous restons communistes, mais nous utilisons le marché parce que c'est le meilleur moyen de booster la croissance économique, blablabla. Donc, voilà. Alors, lui, il dit non. Dès qu'on passera du capitalisme à la nouvelle société, eh bien, il faut se débarrasser tout de suite du marché Et donc, de toutes les catégories marchandes qui sont la monnaie, le salaire, la valeur, etc. Alors, le corollaire de ça, évidemment, ça c'est un problème évidemment pour les économistes aussi, parce que le grand argument des économistes libéraux ou néoclassiques, c'est l'idée que l'économie s'autorégule. Hein. Vous connaissez cet argument-là, vous n'êtes peut-être pas économiste, mais vous savez bien, c'est cette idée que vous avez des désirs et de l'argent dans votre portefeuille, vous cherchez à avoir des biens et vous exprimez ces besoins dans un marché en achetant les produits. On voit, il y a des produits qui sont plus demandés que d'autres, il y a des raretés qui se créent, les prix montent, et les producteurs qui cherchent à maximiser leurs profits vont offrir les biens que vous avez envie. Et donc il y a cette idée de, vous voyez, une espèce de danse comme ça, qui fait qu'à tout moment, ce que vous désirez vous est offert par les capitalistes, à condition que vous ayez dans votre poche l'argent nécessaire pour payer. Évidemment, comme vous savez, l'industrie pharmaceutique ne va pas passer des années à produire des médicaments pour, des malades du Kassai qui n'auraient pas un copec en poche. Ce n'est pas rentable, évidemment. Donc, on va plutôt produire des produits pour les Américains, hommes de plus de 50 ans, le Viagra, c'est plus rentable que des pilules contre les maladies tropicales. Ça, c'est clair. Voilà. Il y a un problème, évidemment, si on se passe du marché, on se passe de signaux informatiques. Hein, l'argument des libéraux, c'est qu'il y a des prix qui sont des signaux de marché. Alors, on va passer plutôt à une planification. Marx dit, ops, il faut trouver autre chose. Il faut trouver un moyen pour les gens d'exprimer leurs besoins, mais sans passer par le marché. Alors, il dit, il n'est pas très loquace là-dessus, il dit que les gens se débrouilleront très bien. On fera une comptabilité en temps de travail et on trouvera une procédure d'évaluation des effets utiles des différents produits. On y reviendra par la suite. Les mathématiciens économistes ont développé au XXe siècle ce qu'on appelle la recherche opérationnelle et la programmation linéaire et non linéaire, qui a un petit côté de ça. Mais j'y reviendrai par la suite. Il y a d'ailleurs un soviétique là qui s'appelle, je pense, Kantorovitch, qui en 1971 a obtenu un prix Nobel d'économie pour ça. C'est le seul économiste soviétique à l'avoir obtenu. Alors, il y a deux principes de répartition, parce que ça, c'est un truc aussi qu'on connaît bien. Donc, il y a la phase inférieure de la société communiste, et comme il dit, le travail sert directement dans la planification de la production. Il sert aussi de principe de répartition des objets de consommation individuelle entre les membres de la société. Sous-entendu, vous travaillez plus, vous recevrez plus. Parce qu'on est encore dans une société de rareté. On aimerait bien être gentil avec tout le monde, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il faut, quand même créer des incitations pour qu'on crée plus de choses, hein, plus de biens matériels. Pour arriver à cet état, cette deuxième étape, enfin supérieure de la société communiste, où on pourra réaliser à chacun selon ses besoins. Parce que c'est une période, une sorte de paradis terrestre, où il y aura une telle abondance, une abondance matérielle, un développement technique, etc. Et les mentalités ont été tellement changées, parce qu'il y aurait eu toutes les étapes préalables, l'état socialiste qui aura modifié l'éducation des gens, etc. Les gens ne seront plus comme dans le capitalisme, les égoïstes qui voient les rapports humains avec les autres uniquement en termes de cash, mais plutôt en termes de bien collectif, on va dire. Donc le travail sera devenu le premier besoin de l'homme, et vous pourrez épuiser dans un gâteau social qui sera tellement grand que, on pourra vivre extrêmement bien. Il y aura un règne de la gratuité qui sera là, un règne de la liberté. Et donc là, peut-être qu'on tendra vers une société, anarchique. En tout cas, l'État ne sera plus nécessaire à ce stade-là aussi. Il pourra disparaître. Voilà. Ça, c'est un peu l'utopie marxiste. Donc on ira vers le bonheur. Alors, je ne sais pas s'il me reste un petit chouïa pour parler du real existieren de socialismus, le socialisme réellement existant dans le passé. Parce que probablement, les gens vont me dire, si vous avez en tête les images de la Volksarmee à Berlin-Est qui défile au pas de loi sur Unter den Linden, vous allez me dire que la société marxiste n'avait pas vraiment l'air d'une société libertaire. Alors, le socialisme réellement existant. Ah oui, non, ça je vais pas en parler, je fais un petit historique pour voir comment on est passé toute l'histoire entre la mort de Marx, l'émergence des partis sociodémocrates, le suffrage universel, l'absorption d'une partie de la classe ouvrière, et en tout cas de leurs représentants dans le système bourgeois, et notamment en 1914, vous savez que les partis sociodémocrates, ils avaient dit qu'ils allaient tous faire la grève pour empêcher la guerre, ils ont tous voté les crédits de guerre, et on est parti pour 14-18, et puis alors il y a eu 1917, comme vous le savez, la révolution d'octobre, enfin il y a eu deux révolutions, février avec Kerensky, et puis octobre, novembre pour notre calendrier, et là, le premier état qui se revendique, on va dire, du marxisme, enfin marxisme-léninien. Alors là, je vais nous aussi skipper toute la partie qui concernait la nouvelle politique économique, où on cherchait un modèle. On a d'abord collectivisé une série de choses, on a maintenu des éléments de marché dans certains domaines. Et puis alors, il y a Staline qui est venu avec un modèle bien dur, parce qu'il s'est dit, la Russie, à l'époque, est un pays arriéré. Et moi, comme on n'a pas eu le capitalisme qui s'est vraiment développé de façon importante en Russie, c'est à l'État soviétique de faire, à la limite en 20 ans, ce qui s'est passé dans le capitalisme en 100 ans en Angleterre. Et donc, d'où des mesures de planification centralisée autoritaire, des politiques d'extraction violente d'un surplus de l'agriculture pour financer le développement industriel, et transformer l'URSS en une puissance industrielle majeure. Donc alors là, bon, avec le coût humain, vous connaissez aussi, donc je ne vais pas trop en parler. Si ce n'est pour dire que les économistes, même néoclassiques, ont tendance à dire que peut-être, effectivement, ce modèle planifié dans une économie qui est relativement arriérée n'est pas nécessairement si mauvais et que peut-être c'est à un certain moment qu'il doit donner le relais à autre chose. Il y a des débats, même des économistes texans aujourd'hui, qui vous disent que globalement en URSS, en termes économiques, je ne parle pas du coût humain, je ne parle pas du goulag, etc., mais je parle plutôt économiquement, jusque 1950, le modèle en termes de taux de croissance, en termes de satisfaction des basic needs de la population, ce n'est pas nécessairement si nul que ça. Ça s'est déglingué à partir des années 50, 60. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Khrushchev a essayé de mettre en place des éléments, des incentives, des éléments de marché pour essayer de rebooster un peu ce modèle socialiste. Et puis les années 70, 80, vous savez, c'est la glaciation avec Brezhnev, etc. C'est peu à peu le déclin du système. Alors là, il y avait bêtement ici quelques trucs, ici, hein, sur l'économie centralement planifiée, force et faiblesse. Donc alors là, j'explique un peu ce que c'était. Hein. Donc c'est un modèle, il y a différents types de modèles possibles. Hein. C'est le gouvernement, qui est censé représenter l'intérêt général, qui prend toutes les décisions de ce qui doit être produit, comment produire. Et alors, est-ce que ça va toucher les biens intermédiaires ou si les biens finis? Il y a même des gens très très radicaux qui vont vous dire, il faut aussi planifier la consommation au départ, parce que les gens sont aliénés, ils regardent la télé de l'Ouest, ils veulent avoir des biens, hein, vous voyez, des biens sapés, mais est-ce que ça leur apporte quelque chose? Non, il faut une éducation socialiste, on va tous les habiller de la même façon. Vous voyez un peu le climat aussi, révolution culturelle en Chine, ils ont tous habillé de la même façon. Moi, j'ai connu ça à l'armée aussi, hein, alors on était tous habillés de la même façon aussi. Donc, et alors, on nous disait la même chose, que c'était bien, parce qu'on ne voyait pas les différences sociales. Alors, il y a un bureau central de planification, parce que ce n'est pas évident. Hein. D'ailleurs, c'était un des gros problèmes du système soviétique, vous avez ça en tête, enfin, probablement pas, parce que vous êtes trop jeune. Mais la grande caricature du modèle soviétique à l'époque, on disait c'est un modèle gris, les gens font des longues files pour avoir des choux quand ils veulent, je ne sais pas, du vin de Géorgie, et quand il y a plein de vin de Géorgie, ils veulent des choux, il n'y a jamais ce qu'on veut à un moment donné. Donc ce n'est pas évident, comme je vous avais dit, quand il n'y a pas véritablement, quand on ne sait pas trop ce que les gens veulent, parce qu'il n'y a pas de marché, il faut trouver des techniques pour que les demandes des gens se révèlent. Ce n'est pas si clair, ce n'est pas si évident que ça. Il y a un de mes collègues ici qui avait fait une thèse à l'époque qui s'appelait « De la médiation sociale des valeurs d'usage dans le mode de production soviétique ». Ça fait toujours une excellente question d'examen oral. Parlez-moi de la médiation sociale des valeurs d'usage dans le mode de production soviétique. Ça veut dire tout simplement en fait un débat pour savoir mais comment les valeurs d'usage c'est les besoins des gens. Hein, par exemple, la valeur d'usage de votre voiture, c'est son autonomie, son confort, sa consommation d'essence, enfin, c'est des trucs comme ça. Et l'idée des marxistes, c'est on veut satisfaire directement les gens, parce que Marx n'aime pas trop le marché, parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'immédiateté, on passe par la monnaie, par le marché, par ces chiffres, là, par ces billets de banque, ces valeurs d'échange. Il veut une expression directe des besoins. Hein, on pourrait faire un référendum chaque fois. Qu'est-ce qu'on veut maintenant pour le mois prochain, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on produise comme bien? On pourrait imaginer des systèmes. Et ce n'est pas évident. Donc l'Union soviétique s'est confrontée à ça. Alors, il y a des techniques mathématiques, mais on ne va pas trop en parler là-dessus. Alors, théoriquement, cependant, il y avait des avantages à l'économie dite planifiée. Je vais les citer peut-être, et puis comme ça, je laisserai la parole à la personne suivante. Alors, comme je vous ai dit, le capitalisme est outre le fait que, comme je vous ai dit, normalement, quand le socialisme se met en place, et le capitalisme était devenu un mauvais système, vous voyez. Il avait rempli son office. Mais en Union soviétique, ce n'était pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair dans le sens où le socialisme s'était instauré dans un pays, en 1917, qui n'avait pas mené au bout du chemin son développement capitaliste. Le capitalisme de libre concurrence, c'est un modèle dynamique instable, on a vu où des firmes font faillite, des individus sont du chômage, pendant une période d'ajustement structurel, et théoriquement, la planification centralisée, hein, on aurait normalement quelqu'un qui est tout en haut, ou un bureau central de planification, qui voit tout de tout en haut, et qui peut probablement un, il se dit, ah, on doit, les gens demandent plutôt tel produit que tel autre, des biens de consommation, des biens de production, donc il faut anticiper ça, il faut commencer à former les travailleurs, les faire shifter des usines de production vers celles de consommation, et donc théoriquement, on pourrait se dire, c'est sympa, on va éviter plein de gaspillage. Il y a même certains qui disent qu'il y a équivalence entre le modèle d'équilibre général, qui est la grande preuve, je ne veux pas dire l'existence de Dieu, mais de l'existence de... d'un équilibre général, des vecteurs de prix qui équilibrent le rendement sur tous les marchés en même temps, et un système qui pourrait être réalisé de la même façon par le système socialiste. Donc il y a des tas de débats, c'est de nouveau du socialisme de marché, des choses que Marx n'aimerait pas. Mais voilà, des mathématiciens disent que c'est théoriquement possible, que c'est pas si débile en fait une économie planifiée. Alors après, qu'est-ce que je raconte ici sur le Bureau central de planification? Ah oui, il peut tenir compte des externalités. Vous allez me dire, après Tchernobyl, c'était pas si évident que le système soviétique était un modèle de gestion de ça. Mais c'est à nouveau parce que si vous êtes dans un système capitaliste, vous savez que les unités de production ne regardent que leur intérêt privé. Par exemple, vous-même, quand vous allez prendre des décisions, vous ne pouvez pas penser au système. Hein. Vous allez regarder quels sont mes bénéfices privés, mes coûts privés. Et en général, l'idée, c'est que dans le système capitaliste, vous faites un calcul coût-bénéfice. Et quand c'est cost-benefit, comme on dit en économie, quand les bénéfices sont plus grands que les coûts, vous faites la chose. Sinon, vous ne la faites pas. Et par exemple, là, la pollution, je ne sais pas, vous jetez des fumées très polluantes dans le ciel, ça ne rentre pas dans les calculs des coûts privés des entreprises. Donc là, il y a un espace, il y a, comme on dit, un market failure, si on pourrait dire, tiens, une économie centralement planifiée pourrait très, très bien tenir compte de tout ça, intégrer ça dans ses calculs centralisés pour assurer une production qui soit plus écologique, en tout cas faire valoriser aussi des biens dans la production des valeurs collectives que les citoyens considèrent comme importantes. Parce que le marché, il nous échappe quelque part. Hein. C'est une économie qui fonctionne, voilà. Là, c'est l'idée quand même d'une société qui reprend consciemment en main son économie et qui lui fait aller dans la direction qu'on a envie qu'elle aille. Et qui tienne compte, par exemple, de problèmes de contraintes environnementales. C'est aussi au niveau des revenus. Hein. On peut ici consciemment décider d'avoir un niveau de revenus plus ou moins égalisé. Alors, suivant les pays socialistes, vous aviez des pays socialistes où le degré d'inégalité était très faible, mais Staline, par exemple, lui, il a essayé de remonter les inégalités pour des raisons X ou Y sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de reparler. Il y a aussi Trotsky qui accuse les staliniens de toutes ces choses, hein, vous savez ça aussi. Donc, voilà. Oui, alors les désavantages. Alors, je vais quand même dire deux volets des désavantages, et puis j'en ai pour 3 minutes, ça va ça? Voilà. Parce qu'il y en a, hein, il y a aussi toute une littérature là-dessus, les économistes libéraux ne se sont pas privés, et l'expérience elle-même nous a montré des choses. Premier problème, évidemment, c'est comment, comme je vous ai dit, c'est comment faire en sorte que les gens expriment leurs besoins. Comment est-ce que le centre, le bureau central de planification, peut savoir qu'est-ce qu'il doit produire? Est-ce qu'il doit plutôt produire des jupes à pois verts, des voitures Volga, du vin de Géorgie? C'est pas si évident. Hein. Bon, de toute façon, à l'époque soviétique, comme ils se sentaient menacés, entourés de puissances ennemies, on mettait le paquet sur l'industrie lourde et l'industrie lourde. Donc, ça, vous savez aussi. Donc, dans les économies de marché, il y a les prix, ça je vous ai dit. Dans les économies planifiées, c'est plus dur à évaluer. Alors, la solution extrême, là, imposer la structure de consommation, là, je vous dis que c'est un peu dictatorial, ça, mais ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver. Bon, je parle d'économie, je ne parle pas de démocratie. Bien que bon, ça pourrait se discuter. Alors les problèmes d'incitation, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Donc en économie planifiée, il y a propriété collective des moyens de production. Tous les travailleurs sont fonctionnaires ou alors ils sont membres d'un collectif. Ça c'est aussi un débat. Hein. Vous savez qu'il y avait les colcos et softcos. Est-ce qu'on est dans un système où c'est un État, parce qu'en URSS c'était quand même beaucoup l'État, ou plutôt des collectifs de production. Vous aviez aussi des modèles. Moi je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait des gens qui aimaient bien le modèle yougoslave avec le truc d'autogestion. Le problème de l'autogestion à la Yougoslave, c'est que les collectifs de production ne voulaient pas, quand elles faisaient du profit, ne voulaient pas le donner aux autres. Et les républiques qui marchaient bien, comme la Slovénie, râlaient parce qu'elles devaient donner des choses à des républiques comme la Macédoine. Donc en URSS, ça fonctionnait de façon un peu plus autoritaire. Mais comme ils sont fonctionnaires, on pourrait dire, tiens, ils touchent une rémunération quoi qu'ils fassent, donc ils ne vont pas être incités à beaucoup bosser. Vous connaissez ça aussi. Hein. Et donc l'idée, d'ailleurs, Khrouchtchev, à un moment donné, il a dit, oui, il faut peut-être mettre des incitations, quand les gens produisent plus, on peut performant, leur donner des trucs. On a les mêmes débats aujourd'hui dans l'UNIF, hein, parce qu'on était un peu une collectivité collective, communiste, un petit peu ici. Hein. Tous les professeurs, une fois qu'ils sont professeurs, gagnaient la même chose. Maintenant, on se dit, mais ce n'est pas très incitatif parce que les bons ne vont pas se bouger. Et donc, il faudrait peut-être donner des incitants financiers. Bon, moi, je donne aussi des cours là, dans la business school. Évidemment, là, ça va à l'extrême, hein, puisqu'on veut donner des primes à la publication, par exemple. Hein. Donc, ce qui suppose aussi que le chercheur est mis par l'argent. Bon, ce qui est aussi une vision un peu hérétique par rapport à l'université qu'on a pu connaître dans le passé. Mais ça participe probablement à ce que j'ai dit là au début du cours, c'est l'infiltration du capitalisme dans tous des domaines qui auparavant ne lui appartenaient pas. On voit ça dans les hôpitaux aussi aujourd'hui. Et donc là, en URSS aussi, voilà, on s'est dit qu'il fallait mettre des incentives, sinon les gens vont être démotivés. Autre aspect de démotivation, c'est peut-être le fait aussi que comme tout est planifié d'en haut, il n'y a pas d'initiative des gens en bas. Et donc, vous êtes dans une usine de l'Oural, vous vous dites, tiens, je pourrais organiser la production de meilleure façon. Là, on va vous dire, non, Moscou dit qu'il faut faire comme ça et vous ferez comme ça. Et donc, les gens sont un peu démotivés. Alors, il y a un problème plus global, c'est la gestion de l'information. Ça, c'est la grosse critique des économistes libéraux. Les gens comme Hayek, von Mises, ceux qui ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale la société du Mont Pèlerin. Ils vont vous dire, théoriquement, c'est bien joli une économie planifiée. Oui, on peut imaginer que ça pourrait marcher beaucoup mieux. On peut même faire des modèles mathématiques qui le prouvent. Mais quand vous êtes confronté à la réalité des choses, il y a un tel nombre de biens différents. Il y a des millions d'acteurs dans une économie qui ont chaque fois des besoins différents. Et alors, il y a aussi des industries qui ont qui produisent des millions de biens différents, des centaines de milliers de biens. Allez ne fût-ce que dans un Carrefour ou un Deleuze, vous allez voir tous les biens différents. Comment gérer ça? C'est pas possible. La vertu du marché, c'est sa catalaxie. C'est-à-dire le fait que c'est vous, sans que ce soit planifié nulle part, vous êtes comme tous des membres vivants d'un algorithme géant qui produit, qui vomit en permanence des chiffres qui sont les prix. Et c'est vrai, regardez, ouvrez votre ordi, vous verrez par exemple un marché particulier qui est le marché des actions, vous allez voir en permanence, il y a un spot price qui bouge, et en fonction des offres et des demandes. Mais ça vient d'en bas, oui, c'est bottom-up. Alors que l'idée de la planification, c'est top-down. Et ça, c'est plus difficile, on va dire. L'idée, c'est qu'on n'a pas que le centre ne pourra jamais avoir l'information nécessaire pour gérer ça. On voit ça un peu chez nous à l'ULB, parce qu'on a des réformes pour le moment avec un programme de gestion intégrée. Je peux vous dire qu'effectivement, le centre là-bas en haut, enfin, il n'est pas tellement loin là-bas, il ne voit pas bien ce qui se passe en bas. Mais bon, mais il a envie de tout savoir, et ce n'est pas facile. Ok. Et, ben, on regarde un peu ici juste le dernier transparent et puis je pense que voilà. Ah oui, un petit mot bête simplement, c'est de vous dire la bureaucratisation, etc. Ce sont des choses. C'était le débat URSS pays économie, on va dire de l'Ouest, de marché. On le retrouve encore aujourd'hui, hein, parce que les problèmes que je dis là, vous les trouvez dans toutes les grandes organisations, hein, et dans le secteur public ou à l'armée. Moi, j'étais à l'armée, j'étais dans l'université. Et quand je lis les choses là sur l'économie planifiée, je me reconnais un peu dans ce qui se passe. Donc voilà. Je ne peux pas dire plus. Hein. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Voilà, je vais laisser la parole à vous.